Chapitre 4. Des plaisirs de l'ordre. Il ne suffit pas de montrer à l'homme beaucoup de choses, il faut les lui montrer avec ordre, car pour lors nous nous ressouvenons de ce que nous avons vu, et nous commençons à imaginer ce que nous verrons. Notre âme se félicite de son étendue et de sa pénétration, et dans un ouvrage où il n'y a point d'ordre, l'âme sent à chaque instant troubler celui qu'elle y veut mettre. La suite que l'auteur s'est faite et celle que nous nous faisons se confondent. L'âme ne retient rien, ne prévoit rien. Elle est humiliée par la confusion de ses idées, par l'inanité qui lui reste. Elle est vainement fatiguée et ne peut goûter aucun plaisir. C'est pour cela que, quand le dessein n'est pas d'exprimer ou de montrer la confusion, on met toujours de l'ordre dans la confusion même. Ainsi les peintres groupent leurs figures, ainsi ceux qui peignent les batailles mettent-ils sur le devant de leur tableau les choses que l'œil doit distinguer, et la confusion dans le fond et le lointain.